je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. À ce qui paraît, je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui fait trop de manière, je vous nique vos morts. Dans le jour, je vis la mienne, l'heure où il se passe des trucs hardcore. Oh, ah oui, y'a la porte. Ouais, mec, ils appellent vite le rapport. Nicky, Bender, ça met bien. Maman, pendant que tu frères fait poursuivre un raptor. Oh, je sais plus comment les prendre. Vraiment, à ce qu'il on me départ. Hein, à ce qu'il je suis pas dans les temps. Vraiment, à ce qu'il on va les fous. À ce qu'il je fais pas du rap ou ta gramme, ça pue. Je me suis premier de partout, mais y'a des gens, ça leur a pas plu. Je le dis, je peux carrer comme Kennedy. Je peux faire mal quand on m'en sortit. Tant demain, je nique tout car on a qu'une vie. Pareil, j'ai pris la grosse tête. À ce qui paraît, je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. À ce qui paraît, je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. Même quand y'avait froid, il me parle en fake, je m'en prendre à qui. Quand je passe en bolide, ça me jette l'œil. J'suis pas la star, j'ai les mêmes habits. Alors me sont béton, ma gueule. C'est la guerre, je m'habille en kaki. Je représente ma ville, moi ça me fait pas peur. Je vais dans leur ville avec le signe du le ça m'accueille. Envoie la beuh, envoie la feuille. Même si la rose est fanée, moi je l'accueille. J'suis parti du texte, c'est la vie, je me suis coupé de tout. Et en faut que je m'énerve, ça sert à rien de me faire le fou. Comme un con, ni ça m'a ramené, je me solo dans le fond. J'ai pas signé leur contrat, frère fumé, on est dépendant. J'ai pris la grosse tête, à ce qui paraît, je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. À ce qui paraît, je fais le mat. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque.